Le vendredi 27 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le premier ministre Philippe Couillard a de toute évidence laissé circuler une information erronée concernant le retrait du ministre Pierre Paradis. En point de presse ce matin, M. Couillard a admis qu'il était au courant depuis mardi qu'une ex-employée s'était plainte pour des gestes inappropriés, possiblement de nature sexuelle. Décision a toutefois été prise pour des raisons de communication de renvoyer les journalistes vers le ministère de l'Agriculture, qui a évoqué cette semaine une simple commotion cérébrale pour justifier l'absence de M. Paradis. Ce dernier recevrait effectivement des soins pour une mauvaise chute, mais c'est bel et bien en raison de l'enquête policière en cours qu'il a été démis de ses fonctions et exclu dans les dernières heures du caucus libéral. On a appris que le groupe de rock britannique Muse va se produire le 16 juillet prochain sur les plaines d'Abraham. La formation va agir à titre de tête d'affiche de la soirée de clôture du 50e Festival d'été de Québec. L'information a été confirmée par l'organisation du festival qui doit dévoiler le 8 mars prochain l'ensemble de sa programmation. Mentionnons que, outre Muse, seule la présence de Michel Louvain a déjà été confirmée. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a annoncé ce matin des subventions pour 3 jeunes entreprises de la région. Les jeunes pousses, comme on les appelle, œuvrent dans le multimédia, la réalité virtuelle ou encore la géomatique. Elles sont les premières à avoir été sélectionnées dans le cadre du programme Québec, ville entrepreneuriale. Avec le soutien du provincial, la ville dispose d'une enveloppe de 400 000 $ pour venir en aide à un total de 10 entreprises. Un deuxième appel à projet est d'ores et déjà lancé et les entreprises intéressées ont jusqu'au 1er mars pour se porter candidate. Enfin, l'étude environnementale peut reprendre dans le dossier du pipeline Énergie Est de TransCanada. L'Office national de l'énergie va recommencer à zéro le processus, a-t-on appris ce matin. Les audiences, rappelons-le, avaient été suspendues l'été dernier parce que ses commissaires étaient suspectés de possibles conflits d'intérêts. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Quelques averses de neige cet après-midi et de la poudrerie par endroits. Accumulation prévue de 2 à 4 cm et ce sera venteux, des vents de 30 km/h avec rafales à 50 km/h. Des températures stables cet après-midi à près de moins 5 degrés. Ce soir, cette nuit, 60% de probabilité d'averses de neige, minimum de moins 9. Et pour la fin de semaine, samedi, moins 4, c'est généralement nuageux. Dimanche, c'est nuageux avec moins 6 degrés. Présentement à Québec, on a moins 4 degrés.